Empire FM et Diego del Norte présentent. Je suis un enfant de 1968, donc je reste assez spontanéiste. Je suis très content quand, à la manif climat, ma fille vient et ma plus grande petite fille y était aussi. Qu'est-ce que je dirais pour les jeunes? Mais battez-vous, hein. Ils ont creusé, exploité, siphonné, bétonné, vie des saignées, la planète sans moindre cas de conscience. Ils veulent les droits, ils veulent être choyés, même si pour cela ils doivent régner sur un royaume de cendres. Une création sonore basée sur une rencontre humaine pas banale. Le 16 et 17 décembre dernier, le mouvement de désobéissance civile Code Rouge, créé par des activistes et soutenu par différentes organisations, a lancé sa troisième action de masse. Ta vie tient qu'à une note de gaz, ton existence dans le trou d'une serrure. Vie au présent, c'est plus conjugué, cette vie au futur. Avenir en caricature, t'aimerais changer les choses, mais y a cette voix qui te dit, est-ce que j'ai la carte? Après Total Energy et Engie, Code Rouge a visé l'aviation, une industrie polluante et irrespectueuse des droits humains, dont rien ne semble pouvoir stopper la croissance, à moins que... Ils ont jet privé, on a réchauffement, hey, la réalité est brutale, chiffres bancal, on fait le bilan le plus sombre, on sera encore loin du total, au bord de l'hécatombe, serait-il grand temps, on se tue... J'ai rencontré Jacob, bruxellois de 78 ans, qui s'est fracturé la clavicule 4 jours avant l'action de désobéissance, sans que cela ne mette à mal son envie d'être présent. Quand ils auront abattu le dernier avisa, empoisonné chaque molécule d'oxygène ici-bas, quand ils auront asséché la dernière goutte d'eau, ce jour-là, on se rendra compte que le pétrole ne se boit pas. Plus vieux souvenir de désobéissance. Ouh là là. À l'école, j'étais plutôt un élève très sage parce que je travaillais tout le temps à partir de mes 14 ans. Je travaillais pendant que je faisais mes études. Donc, et je devais réussir. J'avais pas le choix de ne pas réussir. Donc, voilà. Donc, à l'école, j'étais plutôt un élève très sage et très calme. Donc, voilà. Je me rappelle pas d'un mouvement de protestation avant mes 18 ans. Et puis, à 18 ans, quand je suis passé à l'UNIF, là, j'étais directement happé par le mouvement militant et tout ça. Et nous étions en pleine guerre du Vietnam. Donc, ça a été jusqu'à des moments même très violents. Donc, j'ai participé à des manifs qui étaient ultra violentes à cette époque-là. On montait sur l'ambassade des États-Unis qui était au même endroit que maintenant. Mais à l'époque, c'était pas barricadé comme maintenant, quoi. Donc, vraiment, c'était des bagarres. Les panneaux nous servaient, les longs bâtons des panneaux nous servaient pour attaquer les flics, quoi. Et qui étaient moins équipés que maintenant. Et quand on voit maintenant, c'est incroyable, quoi. Un autre souvenir, mais bon, où j'ai pas protesté ou tout ça. Mon premier vrai souvenir de manif et tout ça, c'est les grèves de 61. Parce que j'avais un prof de latin qui était très syndicaliste. Donc, il nous parlait beaucoup, etc. J'ai vu les manifs. J'étais pas dedans, évidemment, que à ce moment-là, j'avais 16 ans. Mais ce qui me frappe maintenant, bon, il y avait la cavalerie qui chargeait sabre au poing, quoi. Hein, donc, mais en dehors de ça, les flics, ils avaient juste un bête petit casque et leur longue matraque et tout ça. Mais c'est d'ailleurs après les grèves de 61, avec même le PS au pouvoir, que la police est vraiment devenue comme une armée, quoi. Donc tout à fait professionnelle, quoi. Et petit à petit, ça a changé. Quand tu vois nos Robocop maintenant, c'est rien à voir avec les photos de l'époque, quoi. Donc, ça m'a marqué aussi, quoi. Ouais, ouais. Je suis militant d'écolo, hein. Donc je suis au parti, quoi. J'ai des mandats accessoires, je suis employé des logements sociaux, des choses comme ça. Mais aucun mandat directement politique. J'ai jamais demandé ni pris, quoi. En fait, jusqu'en 95, j'étais délégué syndical et j'étais plutôt syndicaliste et dans le monde social. Et un a priori plutôt négatif par rapport au parti. Et donc, en 95, je suis rentré chez Ecolo via la commission enseignement, parce qu'à l'époque, j'étais enseignant. Et donc, dans cette commission enseignement, vraiment, on a fait du très bon boulot. On a fait un programme pour les élections, c'était 99, hein, je crois. Et donc, voilà, on a fait un programme. C'est suite à ça que Jean-Marc Nollet est devenu ministre de la communauté française pour l'enseignement. Je ne veux pas dire du mal, mais enfin, bon, la commission et Jean-Marc ça n'a pas vraiment frictionné. Alors que c'était connu comme la meilleure commission d'écolo. Enfin, ce que moi je reprochais à Jean-Marc, on ne peut pas vraiment dire un reproche, mais enfin, ce qui n'allait pas, c'est qu'il n'avait jamais été enseignant ou instituteur et tout ça. Donc, il ne sentait pas le monde professoral quoi, et enseignant. Quoi. Donc, il ne sentait pas. Et donc, il a fait des gaffes assez, à mes yeux, importantes. Hein. Je ne dis pas que tout le monde est d'accord là-dessus. J'étais encore délégué syndical à la CGSP, mais Écolo m'a ouvert les yeux sur la nécessité du pluralisme et pas la CGSP, surtout à Liège ou à Bruxelles, est vraiment très, très doctrinal. Quoi. Et ce côté-là me hospillait un petit peu. Quoi. Donc, voilà. Quoi. Donc, j'étais 10 ans enseignant dans le lycée de Molenbeek, donc dans un quartier bien populaire et bien chaud, donc ça me rencontrait bien donc dans mon caractère. Il faut dire aussi donc je suis d'origine ouvrière quoi, donc mon père était ouvrier, et, enfin il a fait 45 métiers, mais enfin bon voilà, donc de ce côté-là quoi. Donc j'étais dans ma classe ouvrière quand je donnais cours à Molenbeek, quoi, donc voilà. Freinet, ça c'est mon modèle, hein, c'est mon modèle. Hein. Freinet et comment s'appelle le curé, dont les élèves ont écrit « Lettre à ma maîtresse d'école ». Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. C'est un livre culte pour moi. D'ailleurs, j'étais en Italie, en Toscane, pour aller voir son musée et tout ça. C'était un curé. Mais donc, voilà, ça c'est vraiment mes modèles. Quoi, hein. Chère madame, vous ne vous rappellerez même pas mon nom. Il est vrai que vous en avez tellement recalé. Moi, par contre, j'ai souvent repensé à vous, à vos collègues, à cette institution que vous appelez l'enseignement, à tous les gosses que vous refusez. Vous nous recalez au champ et à l'usine, et puis vous nous oubliez. École obligatoire. Fini le primaire, j'avais encore droit à 3 années d'école. La Constitution dit même que j'étais obligé d'y aller. Mais à Vicchio, il n'y avait pas encore d'école secondaire. Aller à Borgo était toute une affaire. Ceux qui s'y étaient risqués, ils avaient dépensé tout un tas de sous et ils n'avaient pas tardé à se faire renvoyer comme des malpropres. Et puis, la maîtresse avait dit à mes parents que ça n'était pas la peine de jeter leur argent par les fenêtres. « Envoyez-le donc au champ, il n'est pas doué pour les études. » Mon père ne lui a rien répondu. En lui-même, il se disait « Si on avait habité Barbiana, il serait doué. » Barbiana. À Barbiana, les gosses allaient à l'école chez le prêtre. Depuis le matin tôt jusqu'à la nuit tombée, été comme hiver. Personne n'était nul pour les études. Barbiana, quand j'y arrivais, n'avait pas l'air d'une école. Ni chaire, ni tableau noir, ni banc. Rien que de grandes tables autour desquelles on faisait l'école et on mangeait. Il n'y avait qu'un seul exemplaire de chaque livre. Les gars se serraient autour. C'est à peine si on apercevait qu'il y en avait qui étaient un peu plus grands et qui enseignaient aux autres. Le plus âgé de ses maîtres avait peut-être 16 ans, le plus petit, 12, et il me remplissait d'admiration. Je décidai tout de suite qu'un jour, je ferais moi aussi la classe. Le préféré. Là-haut aussi, la vie était dure, une discipline et des engueulades à vous faire perdre l'envie de revenir. Par contre, ceux qui ne possédaient pas de base, qui mettaient plus longtemps que les autres à comprendre ou qui étaient distraits, se sentaient les préférés. On les traitait comme vous traitez le premier de la classe. On aurait dit que l'école était rien que pour eux. Tant qu'ils n'avaient pas compris, les autres n'avançaient pas. Les règles de l'écriture. Au mois de juin de ma 3e année de Barbiana, je me suis présenté comme candidat libre au certificat. Le sujet de la rédaction était « Faites parler un wagon de chemin de fer ». À Barbiana, j'avais appris que les règles de l'écriture sont avoir quelque chose à dire et qui soit utile à tout le monde ou du moins à beaucoup de gens, savoir à qui on écrit, rassembler tout ce qui peut servir, trouver une logique pour mettre de l'ordre dans tout ça, éliminer tous les mots qui ne servent pas, éliminer tous les mots dont on n'a pas l'habitude de se servir en parlant, ne pas se fixer de limite de temps. Et c'est comme ça qu'on écrit cette lettre avec mes camarades. C'est comme ça, j'espère, qu'écriront mes élèves lorsque je serai instituteur. Cari ragazzi, sono qui, sono tornato. Chiamate tutti gli altri, suonate la campana. Oggi riapre la scuola di un povero curato. un certo Don Milani mandato qui a Barbiana. Anche se col tempo voi siete un po' cambiati ed i miei occhi non son più quelli d'allora, e se i vostri ginocchi non sono più sbucciati, stonati canteremo quella canzone ancora. Je trouve qu'après Freinet, on a mis des fioritures et des tas de trucs au-dessus, mais fondamentalement, pour être une bonne pédagogie, c'est Freinet, quoi. Bon, eux, ils faisaient l'imprimante, maintenant, tu le fais avec un ordinateur, mais bon, voilà, la philosophie, c'est, pour moi, c'est le reste. On a beaucoup ajouté d'écoles actives et tout ça, mais c'est souvent des fioritures, voilà. Pour moi, Frédéric, ça reste la base, quoi. Donc, j'ai été 10 ans, donc, au lycée de Molenbeek. Donc, la petite anecdote, c'est que cette année-ci, je suis retourné à Florence. Je suis veuf depuis presque 10 ans aussi. Je vois beaucoup moins qu'avant. Je fais des échanges d'appartements. Et donc, j'avais reçu une offre de Florence en disant, tiens, est-ce qu'on peut venir à Bruxelles? Est-ce que vous voulez venir à Florence? J'ai dit, oui, Florence, j'ai quand même envie, mais enfin, j'ai pas envie de partir seul. Alors, j'ai demandé un peu des amis, mais ils ont envoyé la demande assez tardivement. Donc, la plupart de mes amis avaient déjà d'autres projets. Par hasard, en juillet, je suis invité au 60e anniversaire d'une de mes élèves de Molenbeek. Parce que j'ai gardé des contacts, quoi. Donc, il y a tout un groupe d'élèves que j'ai eu donc, dans les années 70, que je vois encore régulièrement au baptême, aux naissances, au mariage, enfin, au divorce, enfin, tout, quoi. C'est ma satisfaction d'être prof, quoi. Ouais, c'est garder ce contact-là, quoi, donc. Je reste en partie critique. Donc, j'ai toujours des critiques à Écolo aussi. Donc, mais justement, à Écolo, on peut s'exprimer, quoi. Je suis passé quelques années par le PTB, tout à fait au début du PTB, quand le PTB s'est créé. Mais bon, c'est tellement rigide. Et bon, par exemple, à un certain moment dans la cellule, j'ai dit, mais est-ce qu'un jour, on va parler de Staline, quoi? Donc, pendant 5 ans, on m'a traîné en disant, oui, on en parlera un jour, on en parlera un jour, on en parlera un jour, mais jamais on crève cet abcès, quoi. Je suis resté 5 ans au PTB, et puis je suis parti, quoi. Donc, voilà. Tandis qu'Écolo, je trouve qu'il y a une vraie ouverture. Donc, ça veut pas dire qu'il n'y a pas des gens qui sont moins ouverts que d'autres, etc. Mais, par exemple, un truc que j'aime bien citer aussi. Donc, j'étais au Conseil de Fédération, qui est le Parlement d'Écolo. Et donc, j'étais 6 ans, et puis, à Écolo, on change souvent les Après 6 ans, j'ai dit, voilà, je veux bien être délégué adjoint. J'étais délégué adjoint pour Bruxelles. J'étais là, je ne remplaçais personne, donc je ne pouvais pas voter. Mais donc, j'ai proposé un point à l'ordre du jour qui était tout à fait, c'était l'époque de Javot. C'était l'époque de Javot, hein, qui était assez bien adulé en dehors, mais enfin, bon, voilà. Donc, j'ai proposé une motion que Javot a vraiment attaquée en disant non, c'est... Vraiment, tu n'es pas conscient politiquement, patati, patata, voilà. Et donc, il y a eu un vote. Il y a eu 40 donc contre ma proposition, 20 abstentions et 0 pour moi, parce que je ne pouvais pas voter. Mais on m'a laissé la parole, quoi. Tu vois, c'est quelque chose que j'ai toujours apprécié, quoi, cette liberté de parole qu'on a au Conseil de Fédération et tout ça, quoi. Donc, souvent, je dis souvent, c'est le moins pire des partis, quoi. C'est ça, quoi. Et donc, je reste pour ça. J'ai eu des ennuis, par exemple. Nous on disait secrétaire politique, c'est l'équivalent de coprésident, quoi. Donc j'étais secrétaire politique de ma locale à Saint-Gilles pendant 8 ans, quoi. Donc, et là j'ai eu quelque part je dirais un coup de couteau dans le dos, que certains ont dit, ben voilà, tu resteras plus à Écolo. Je dis si, les gens ne connaissent pas le manifeste d'Écolo, parce que quand tu lis le manifeste d'Écolo, tu peux être tout à fait anticapitaliste et tout ça, et pas doctrinaire, et dans le 21e siècle, c'est vraiment, je suis sûr que si vous lisez le manifeste d'Écolo, vous allez dire, je suis entièrement d'accord avec ça. Entre ça et évidemment, quand tu es au pouvoir, il y a la distance, hein, donc ça c'est le drame, si tu veux. Donc on a été de 99 à 2003, sans doute, hein, au fédéral, et puis après on a eu une baisse des trucs, et ici aussi, on va perdre beaucoup de plumes. Parce que comme tu es confronté à du très concret et que c'est toujours des gouvernements à 4 ou à Bruxelles à 7, forcément tu dois faire des concessions. Bon, ou la limite entre concession et compromission, c'est ça la grosse discussion, quoi, évidemment. Mais donc à ce moment-là, donc pour les élections, avant les élections donc de 2003, on avait voulu imposer que la Formule 1 les courses de Formule 1 à Francorchamps, enlèvent leur publicité pour les cigarettes. Et l'Europe en parlait déjà. Et nous, on l'a fait 3 ans avant que l'Europe le vote, quoi. Les sondages post-électoraux ont signalé qu'on a perdu 4% des voix à cause de ça, quoi. Parce qu'on est en avance sur les autres, quoi. Et si c'est pareil, quand on veut imposer une taxe sur la voiture à Bruxelles, mais déjà les autres partis à Bruxelles ne veulent pas en parler, surtout le PS ne veut pas en parler. Mais c'est justement un geste courageux si tu veux aller dans le sens de la transition climatique, quoi. Et c'est pour ça. Tu dois trouver le truc, tu dois juste un peu avant les gens, si tu veux, je veux dire. Mais pas non plus trop loin, parce que sinon, voilà, ça te casse la gueule, quoi. Donc c'est, alors, c'est facile de tout critiquer et puis de dire, je veux pas aller au pouvoir, quoi. Ça, c'est bon. Vous savez bien que je vis ça. Donc, d'autant plus que j'ai été 5 ans dedans. Donc, je reste militant. Je suis souvent du côté critique. D'ailleurs, on m'appelle le marxiste de ma locale. Donc, c'est clair, quoi. Donc, c'est clair que j'ai une vision marxiste des choses. Donc, comme délégué aussi et tout ça, donc voilà. Le lieutenant Kendrick a ordonné le code rouge, n'est-ce pas? Parce que c'est vous qui lui avez ordonné. Je proteste! Il y a eu cette bavure! Vous avez lâché tous vos gars! Et c'est Markinson qui se retrouve à signer la feuille bidon! Vous avez trafiqué les documents! Fait une pression sur le médecin! Alors je vous le demande! Colonel Jessep, avez-vous ordonné le code rouge? Vous n'avez pas à répondre à cette question. N'ayez crainte, j'y répondrai. Vous voulez des réponses? Je crois avoir droit. Vous voulez des réponses? Je veux la vérité! Vous ne l'encaissez pas, la vérité! Du rouge, encore, à Liège, encore, avec l'action des activistes de Code Rouge. Ils occupent depuis hier une partie du site de l'aéroport de Bierzé. Hier, tout était très calme, mais cette nuit, certains ont forcé les portes des locaux du géant chinois du commerce via Internet, Alibaba. La police les a expulsés, mais trop violemment, selon certains. Et ce matin, donc, un groupe est toujours sur les lieux et continue de dénoncer des activités commerciales nuisibles pour la planète. Marc Mellon. Ce matin, les activistes du mouvement Code Rouge bloquent toujours les installations d'Alibaba à l'aéroport de Liège. Ils sont arrivés hier après-midi. Nous sommes ici, nous bloquons un entrepôt d'Alibaba à l'aéroport de Liège pour dénoncer la surconsommation des produits de mauvaise qualité qu'Alibaba importe de Chine et la pollution que ça accompagne. On dénonce le subside des énergies fossiles, notamment dans le secteur aérien. Dans le courant de la nuit, de nombreux activistes ont pénétré dans les bâtiments. La police est intervenue. Ils ont d'abord eu besoin de renforts parce qu'on était attachés ou parfois en hauteur sur la structure. Et puis après, en fait, ils nous ont sortis en fait, du hangar avec force quand même. Voilà. En fait, j'ai milité aussi un peu avec Extinction Rébellion et tout ça. Et ce que je trouve extraordinaire dans la Côte Rouge, c'est que ça ressemble même sur papier des tas d'organisations. Bien sûr, on voit pas beaucoup de gens d'Oxfam peut-être ou de la RGTB ou des trucs comme ça. On sait juste qu'ils donnent des sous, ça c'est bien, très bien. Voilà. Et la CSC aussi, hein, donc voilà. Sinon, ce Côte Rouge pourrait pas vivre sans ça, hein, c'est clair. Mais ce qui m'a intéressé d'abord, c'est cette pluralité de gens qui avaient signé cette plateforme. La désobéissance civile, non grise, non pacifique, hein, donc voilà, donc même si on se fait embarquer un peu brutalement, mais ça c'est bon, c'est le jeu avec la police, quoi, donc voilà. C'est cette diversité et aussi, on voit quand même c'est un mouvement essentiellement jeune, ça c'est vrai. Mais il y a quand même pas mal de gens quand même, mais dans notre groupe on est 6, il y en a quand même 3 sur 6 qui étaient pensionnés, donc c'est pas si jeune que ça. Donc il y a un très bon mélange, donc ça m'attire aussi, quoi. Oui, donc j'ai été la première grande action de Côte Rouge contre Affolbi, contre Total Energy. Et vraiment, j'ai trouvé quelque chose de sympathique, les gens se soutiennent. J'ai eu un petit accident, je me suis cassé la clavicule il y a 4 jours, hein, donc ça mettait un peu ma participation en cause, mais j'avais quand même envie de venir, sinon j'aurais été frustré. Mais parce que j'ai dit ça publiquement au début, le nombre de gens que je croise qui me disent « et ça va pour ta clavicule, ça a été, etc. » J'ai jamais senti autant d'empathie, quoi, pour un truc comme ça, quoi. Moi, je trouve que la boule a réussi. Bon, il y a eu effectivement une intervention policière un peu musclée, mais ça, on peut pas attendre tout à fait autre chose de la police. Évidemment, il y a eu 2 blessés, donc un bras cassé. L'histoire du consensus, c'est un peu difficile parce que bon, ce qui a un peu dégénéré, c'est que certains ont voulu créer un groupe de 40 personnes pour faire certains dégâts par rapport à Alibaba. Et donc, je suis tout à fait d'accord que par rapport à notre objectif ici, qui était la pollution, on est ici donc à Liège, aérodrome Bercien, on a mis contre la pollution, qu'est-ce qui était de notre contre l'extension et travail précaire, quoi. Donc, voilà. Donc, Alibaba, ben, ça illustre très bien ceci. Donc, c'est Alibaba qui a acheté ici cette extension, évidemment. Je signale quand même que l'écolo a fait une certaine réticence, mais enfin, de nouveau, dans la masse, dans la minorité, dans un gouvernement, voilà, c'est passé quand même. Mais il y a quand même eu des émissions sur Alibaba, à la TV notamment, où l'écolo s'est dit vraiment qu'ils étaient opposés à ce, et à l'élargissement, et à Alibaba, etc. quoi. Donc, mais voilà, bon, c'est quand même passé. Donc, moi, je suis très content comment ça s'est déroulé dans l'ensemble. Je crois qu'il y a eu quand même, à Anvers, tout le monde a été arrêté. Hein, donc, on sait que Barthes de Vèvre est bourgmestre là-bas, ici. Ici, c'est clair que le contact police entre Côte-Rouge et le bourgmestre, enfin, via sa police et tout ça, à mon avis, a quand même été beaucoup plus souple. La preuve, bon, il y en a une trentaine qui ont été arrêtés, mais on est encore, je sais pas moi, 150 sur le site. Et a priori, on nous promet qu'on ne nous arrêtera pas et qu'on ne nous enregistrera pas. Donc, c'est pas fini, vous le lirez dans les journaux demain. À part un peu cette dissension où des gens font des choses qui ne sont pas reconnues par le consensus, je trouve un peu dommage, quoi. Mais bon, je trouve qu'au niveau de la démocratie, tout ça, ils font quand même un très gros effort pour essayer que ce soit démocratique avec des délégués de comment on appelle ça, l'affinitaire, oui, on est un groupe de 6 affinitaires, dont mon duo qui m'interroge. Et donc, voilà, donc je suis très content de la manifestation, enfin de l'action, quoi. C'est la troisième avec Côte-Rouge, je crois que je continuerai. C'est vrai que, par exemple, par rapport aux luttes pour le climat et tout ça, les jeunes sont quand même très présents. Par exemple, ces grèves dans les écoles, c'est quand même très actif et tout ça a été très actif avant le COVID, quoi, donc, etc. Donc ça me donne de l'espoir. Je dis souvent aussi, moi je m'engage jusqu'à un certain point, mais pas plus, c'était aux jeunes à faire. Nous, notre rêve, c'est vraiment scratché. Hein. Donc moi je suis sorti de mai 68, donc j'ai terminé mes études universitaires en occupant l'ULB. Mes examens, je les ai passés en juin pendant qu'on occupait l'UNIF. Et donc je suis un enfant de mai 68, donc je reste assez spontanéiste. Quand je vois ceci, ça m'emballe vraiment, quoi, parce que ça donne un certain espoir, quoi. Parce que bon, quand on voit le monde, il faut chercher pour trouver de l'espoir, hein. Quand tu vois on va pas parler de Palestine ou d'Israël et tout ça, donc c'est clair. L'Argentine devient passe à l'extrême droite. Quand tu comptes le pays qui passe à l'extrême droite, c'est incroyable, quoi. Ça te donnerait une vision pessimiste, quoi. Donc il faut vraiment dire, oui, mais j'en veux, quoi. Donc, je suis très contente quand, à la Manif Climat, ma fille vient et ma plus grande petite fille y était aussi parce qu'elle est dans une bonne ambiance. Les autres petits enfants sont un peu moins engagés, mais enfin, bon, voilà, quand même. Ils ont quand même tous une vision sociale du monde, quoi. Ça, c'est clair et net, quoi. Oui, le Chili, avec Allende, c'est l'expérience extraordinaire, malheureusement mal terminée. Et évidemment, mal terminée parce qu'ils avaient l'appui des États-Unis, quoi. Même chose maintenant. Tout le monde, presque, enfin je veux dire, trois quarts du monde, même au Conseil de l'ONU, vote pour la cessation immédiate de ce crime qu'on ne sait pas très bien comment l'appeler, un crime contre l'humanité, ça certainement, mais quand tu dis je veux éliminer tout le Hamas dans Gaza, ça veut dire que tu élimines 2/3 de la population. Donc c'est presque une vision quand même génocidaire, quoi. Donc même que j'aime pas trop utiliser le mot, quoi. Parce qu'il y a quand même une définition précise, en fait. Mais donc, évidemment, guerre contre l'humanité et tout ça, oui, ça c'est clair et net. Je reconnais qu'Israël, Israël, les Juifs, ont droit à une patrie. Ça, bon, évidemment, les Arabes n'y sont pour rien, les Palestiniens encore moins, et c'est la faute que nous, on essaie d'expier. Par exemple, l'Allemagne toujours soutient Israël, mais au-delà de toute idée pensable, quoi, parce que bon, ils paient ce qu'ils ont fait. Bon, c'est pas les mêmes, c'est pas eux qui l'ont fait, donc voilà, ils peuvent se sortir de ça, et ils pourraient avoir quand même un esprit critique par rapport à ça, quoi. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas un cessez-le-feu? Parce que Biden, de nouveau, a une voix au Conseil. C'est pas toute l'Assemblée, parce que l'Assemblée est clairement à 2/3 pour cette cessation de cette boucherie. Et donc, de l'autre côté, tu peux directement faire le parallèle. Pourquoi est-ce que Poutine peut faire tout ça en Ukraine? Parce qu'il a une voix aussi. Il peut, donc, il n'y a aucun vote dans le Conseil de sécurité qui peut aboutir parce que Poutine est dedans. Dans les deux cas, quoi. Donc, depuis très tôt, j'étais aussi du temps des mouvements de la paix, tout ça. Mais très tôt, on a créé un comité qui était contre les deux superpuissances. Moi, je me suis toujours battu pour dire non. Il faut être contre les deux superpuissances, quoi. Et on le voit maintenant, quoi. Ils sont pas d'accord sur le même problème. Mais bon, Poutine est maître en Syrie, Biden est maître dans des tas de pays, et en Arabie Saoudite, par exemple, etc. Et donc, voilà. Donc ça, c'est une lutte qu'il faut bien pousser. Maintenant, plus au niveau local, ce qui me motive le plus maintenant, c'est tous les migrants, les SDF et tout ça. Et aussi, donc, à une échelle beaucoup plus large, le logement, quoi. C'est incroyable. Donc, moi, je suis donc administrateur dans le logement social à Saint-Gilles. Et donc, il y a 50 000 logements sociaux à Bruxelles. Et il y a 50 000 sur la liste d'attente. Donc, les gens à qui on attribue un logement maintenant, ils sont sur la liste depuis 10 ans, quoi. Et bon, si ta vie évolue, évidemment, si tu divorces ou si tu maries, ou etc., si tes pouvoirs d'achat augmentent, ben, tu sors de la liste. Donc, il y a déjà la moitié qui n'aura jamais de logement social, quoi, malgré qu'ils ont fait 4-5 ans de file d'attente, quoi. Donc, et puis, on crée des buildings dans l'immobilier à Bruxelles et on continue à créer des trucs de bureaux alors qu'il y a plus de 10% de bureaux qui sont vides, quoi. En Belgique, c'est le problème le plus grave. Celle que je viens de dire, c'est Gisèle Halimi, donc elle est décédée depuis 13 ans. Et donc, c'est une journaliste qui l'interview, quoi. Donc, à la fin de sa vie, à ses 90 ans, quoi. Donc, elle sort d'un milieu très populaire en Tunisie et tout ça. À 12 ans, elle n'acceptait pas plus déjà sa condition féminine contre ses parents, quoi. Et elle s'est battue pour devenir avocate. En Tunisie, à cette époque-là, l'avenir pour une femme, c'est de se marier à 15 ans. Dans le féminisme intelligent d'aujourd'hui, quoi. Donc, dans la partie la plus intelligente du féminisme, quoi, ouais. Déjà, Gisèle Halimi, quand elle naît en 1927 dans une famille juive d'origine modeste, elle n'est pas encore française, mais tunisienne. Vous êtes née en Tunisie. Je suis née à Carthage, et d'une famille plutôt pauvre. Modeste. Plutôt modeste, oui. Et tunisienne. D'origine, madame, est-ce que... Ah non, d'origine française, italienne... Tunisienne. Tunisienne. Et à ce moment-là, la Tunisie, c'est un protectorat français. Donc Gisèle Halimi, elle naît dans un territoire colonisé en étant elle-même colonisée. En fait, elle aura la nationalité française, mais un peu plus tard. Mon père s'est fait naturaliser français avec ma mère. Mon père était un grand admirateur de la France. Et il s'est fait naturaliser quand j'avais, je crois, 5 ans, 4-5 ans. Et dans ce cas-là, le décret de naturalisation englobe l'épouse et les enfants mineurs. Donc mon frère aîné et moi-même. Pendant son enfance en Tunisie, elle va être témoin de la violence coloniale française tout en étant fascinée par les idéaux républicains. Elle grandit dans un milieu familial très religieux et conservateur où la norme n'est pas d'aller à l'université, surtout pour une femme. Mais Gisèle Halimi va quand même réussir à monter à Paris faire des études de droit. Dans ses ouvrages, elle explique qu'elle a réussi à quitter la Tunisie en prenant le prétexte d'aller rechercher son frère qui était rescapé des camps de la mort et qui se serait trouvé dans la capitale française. Pour la première fois, j'allais voir cette France, pays de tous mes espoirs, de tous mes rêves de petite colonisée aliénée de sa propre culture. À l'arrivée, j'ai ressenti une véritable ivresse. Je me trouvais seule avec ma liberté. Et puis je me suis trouvée brusquement, parce que j'étais encore très jeune quand même, j'étais là dans les facultés de droit en particulier où on m'a fait honte de mes origines. J'ai appris que le racisme existait alors que je pensais que ça pouvait exister en Tunisie même parce que là, il y a les mauvais Français, les colons. Or, en arrivant en France, les Français aussi l'ont été. Comme elle le dit dans son livre « La cause des femmes », elle était à la fois trop juive et trop arabe pour la France de l'époque et notamment pour la fac de droit. Ah bah surtout en droit, hein. Là on a bien deviné sa filière. Après ses études, c'est en tant qu'avocate qu'elle retourne en Tunisie et elle va débuter sa carrière devant les tribunaux militaires. Elle défendra des soldats dans des affaires de désertion ou de vol. Elle est commise d'office pour défendre un joyeux, un légionnaire du bataillon disciplinaire. Son crime ? Avoir soustrait à sa corvée de pommes de terre 3 kilos pour les donner à une famille tunisienne qui lui avait fait un délicieux couscous pendant une permission. Elle va ensuite défendre des indépendantistes et des syndicalistes tunisiens jusqu'en 1956 environ. Et à partir de 1956 va commencer ce qui sera un des plus grands combats de sa vie, sa lutte en défense des indépendantistes algériens du FLN, toujours en tant qu'avocate. Bella Ciao, hein. La vraie version de Bella Ciao, hein. Pas la version pop là où, qui circule sur les réseaux. Voilà, oui, Bella Ciao. Mon père est italien. Hein. Je dis toujours que je suis un vrai Belge parce que j'ai une mère flamande et un père italien. Un message plus aux femmes, je dirais, et aux féministes d'aujourd'hui, ce qu'écrit Gisèle Halimi, c'est la première condition, la femme doit être indépendante. Quoi. Parce que s'il n'y a pas d'indépendance, voilà, elle ne pourra jamais devenir l'égale de l'homme. Quoi. Donc ça, c'est, il faut peut-être se divorcer ou ne pas se marier ou quoi, mais donc voilà, être indépendante. Donc pour les féministes actuelles qui parfois sont un peu sur les choses que je trouve plus secondaires. Quoi. Donc, ça, c'est un message aux femmes. Donc, ma belle-fille est très féministe, très radicale féministe. Donc, voilà. Et alors, pour les jeunes, qu'est-ce que je dirais pour les jeunes? Ben, battez-vous. Hein. Voilà, merci. Ce podcast, Clavicule contre Alibaba, a été réalisé par la radio éphémère et pirate liégeoise, Pire FM. Nous voulons remercier tout d'abord Jacob pour son partage, son intrépidité et sa constance dans son engagement. Puisse son exemple susciter bien des vocations désobéissantes. Nous remercions aussi les contributions externes, même involontaires. Qu'elles se rassurent, leur utilisation ne vise aucun enrichissement autre que celui de donner envie et garder des traces. La chanson en introduction, Cendre, est du rappeur militant bruxellois Code Rouge. L'extrait lu est une traduction de Lettre à une maîtresse d'école, des élèves de l'école de Barbiana, du prêtre enseignant italien Lorenzo Milani. Celui sur Gisèle Halimi est extrait de l'émission du média Blast, Les Portraits.